Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durus al-Madina, al-Juz al-Thani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil al-Martiniki, hafidhullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bid-Ammaj au Yémen, cours numéro 16. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان ليوم الدين أما بعد تمام نكوريج الإكسيس لو سول كي avait d'ailleurs je crois pas aujourd'hui du درس 15 كازيم كو يقول أولا صحيح ما يلي أبو بكر معه مجلد أبو بكر avec lui un magazine. فيصل معه مجلة. ثانيا فيصل طالب جديد. فيصل est un nouvel élève. هميون طالب جديد. نعم هميون طالب جديد. ثالثا بشير كتب الأجوبة بالقلم الأحمر. عبد الرحيم كتب الأجوبة بالقلم الأحمر. رابعا حمزة غائب اليوم. هشام غائب اليوم. On avait dit également le 11. اكتب الجمل الآتية مستعملا في التعجب. طيب الجمل الأولى يقول انظر إلى هؤلاء الطلاب الجدد هم كثير. Regarde ces nouveaux élèves. Ils sont nombreux. Qu'est-ce que tu as dit ? C'était juste la fin que je vais changer. Ah oui, non. Ma aksarohum. Ma aksarohum. Qu'est-ce qu'ils sont nombreux ? Fanien. Unzur ila hadith sayarati. Ya jamila. Regarde cette voiture. Elle est belle. Ma ajmalaha. Non, qu'est-ce qu'elle est belle. Farithan. Huwa faqirun. Il est pauvre. ما أفقاره؟ لا. أفقاره؟ ما أفقاره نعم. كيسك لي بوف. رابعا أرأيت ذاك البيت هو صغير. As-tu vu cette maison? Elle est petite. ما أصغره؟ نعم ما أصغره. طيب لا الناهية dans quelle catégorie de l'irlog elle est classée? Dans quel bébé il rentre? La nahia. Harf mada. Harf. Jazm. Non, harf jazm. Wa maya alamat jazm. C'est quoi le signe jazm asli? Soukoun. Soukoun. Non. Et avec les verbes qui finissent par anoun, amsil et khamsa, comme tadhabouna, yadhabouna, tadhabina, et la gaïd d'alika, c'est quoi la alamata jazm? Le signe jazm, qu'est-ce qui prouve qu'ils sont majzouma? C'est fier de là? Qu'on enlève les nouns? Naam, hasf les nouns, qu'on enlève les nouns. Hasan. Allez, sur la troule, fiders et sadis, achar. 16e leçon. Et celle-ci se rapporte surtout auprès du verbe arada yuridu, qui veut dire vouloir. Arada yuridu, qui veut dire vouloir. Naam. Anasa akra mekan al-ab, ou anta mekan al-akhalin. Moi j'ai le ab, et toi tu vas lire tous les deux. Tayyib, yakul. Aturiduna shay'an min al-souqi ya abna'i. Ana al-an adhabu ila al-masjidi, wa sadhabu ila al-souqi ba'd al-salah. Donc il dit, voulez-vous quelque chose du marché, ô mes fils? Je vais maintenant au masjid et ensuite j'irai au marché après la salat. Donc, Aturidun, c'est ça en fait. Aturidun, ça vient du fi'l, comme je l'ai dit. Arada yuridu, c'est un ruba'i, un rab à quatre lettres. Donc il commence par, on verra après ça, Inch'Allah. Naam. Naam, nuridu ashya'a kathiratan. Disent oui, nous voulons beaucoup de choses. Al-Ab. Maza turid ya Omar. Que veux-tu, ô Omar? Uridu qalaman. Non, il dit je veux un stylo. الأب ما عندك قلم أنت pas de stylo بلا عندي قلم أزرق أريد قلم أحمر أريد قلما أحمر نعم إذا si j'ai un stylo bleu je veux un stylo rouge الأب ماذا تريد أنت يا عمرو que veux-tu toi عمرو oh عمرو أريد دفترا نعم دي je veux un cahier أما اشتريت لك دفترا في الأسبوع الماضي نتش با اشتي ان كايي لا سمان دانيير دونك اشتريت ça veut dire verb اشترى يشتري qui veut dire acheter اشترى يشتري نعم بلى ولكن ذاك الدفتر وراقه غير مسطر مسطرين مسطرين أريد دفترا ذا ذا ورق مسطرين نعم يجي سي Cependant, ce cahier-là a des feuilles sans ligne. Des pages blanches en général sans ligne. Non. Je veux un cahier qui ait des feuilles avec des lignes. Et là, quand il dit Uridu daftaran za warakin zattara, la za c'est comme zou. Vous voyez, za c'est comme zou. Et Inch'Allah, on avait dit que les mots comme za. Comme Zou ou Abou ou Ahou, quand ils sont en dessous, c'est avec une ou avec un alif. Inch'Allah, ça viendra en vers. Kazalik. Al-Ab Yakoul, Maza Turidu Anta Ya Hisham. Que veux-tu, toi, ô Hisham ? Ana ma uridu shay'an al-an. Il dit, moi, je ne veux rien actuellement. Al-Ab Yakoul, Aina Ahouka Al-Hussein. Où est ton frère, Al-Hussein ? Wa fil hammami. Il est dans la salle de bain ou la toilette. Al-Ab, Maza yuridu huwa. Que veut-il, lui? Huwa yuridu halawa. Halawa. Halawa. Il dit, lui veut des sucreries, des bonbons. Al-Ab yakul, Maza turidna ya benet. Que voulez-vous, ô les filles, ô filles plutôt, il n'y a pas d'alifolem. Que voulez-vous, ô filles? Ya abati. أنت اشتريت لي ملفا قبل أسبوع أريد الآن ملفا آخر. Donc Aïcha a dit, oh cher père, tu m'as acheté la semaine dernière un dossier. Quand on dit ملف, c'est un dossier peut-être un rangement pour dossier. Je ne sais pas ce qu'il voulait exactement. Le ملف souvent c'est un dossier ou un classeur. Ouais, c'est un classeur je pense là. Je veux maintenant un nouveau classeur, ou dossier, ou rangement. Al-Abiyakul, Maza turidina antiya hafsa. Que veux-tu, toi, ou hafsa? Uridu haqibatan. La. Uridu haqibatan. Haqibatan. Elle dit, je veux un sac. Un sac, comme un cartable ou une sacoche. Al-Abiyakul, ma indaki haqibatun. N'as-tu pas déjà de sacoche? بلا عندي حقيبة عندي حقيبة حمراء أريد حقيبة أخرى سوداء. Ça dit si j'ai un sac rouge, on va dire une sacoche plutôt là comme ça au féminin. حمراء en fait c'est le moines de أحمر. طيب حمراء c'est le moines de أحمر. J'ai une sacoche rouge, je veux une sacoche. Je veux une autre sacoche noire. Et Okhra, c'est le moines de Akhar, qui veut dire autre. Et Saouda, c'est le moines de Aswad, qui veut dire noir. Elle a bien cool. Maza tulidina ya Souad. Que veux-tu au Souad? Indi mistaratun sariratun. Uridu Okhra kabiratun. Ok, dit j'ai une règle, une petite règle. Je voudrais une grande règle. Ou une autre grande règle. Al-Ab Yakul. Maza turidina anti ya Leila. Que veux-tu, toi, Leila? Uridu mushafan. Non. Non. Uridu mushafan za harfin kabirin. Donc elle dit, je voudrais un mushaf avec des grandes lettres. Une grande écriture. Al-Ab Yakul. Ama turidina shay'an ya Salma, ne veux-tu pas quelque chose au Salma? Bala uridu mujma' mu'jaman. Mu'jaman

الصحيفة تريد أيوة مجهول حركة الصحيفة صحيفة أحسنت تريد أم مجلة يا أخي مجلة يا أخي نعم est-ce un journal que tu veux ou un magazine ou mon frère خامسا أنا أريد أشياء كثيرة من السوق نعم شو بقول ils ont oublié le dire avant c'est كثيرة Là, ils ont pris Kassara ou Kassara, même pas milliard. Il dit, moi, je veux beaucoup de choses du marché. En fait, souvent, on dit soupe, t'as vu, on met dans le marché, mais en fait, c'est tout lieu de commerce. Tu vois, même un centre commercial, ça peut s'appeler un marché d'Ijali, et ça peut aussi s'appeler un souk. Faut pas que les gens, quand on dit soupe, s'imaginent comme le marché qu'on enfonce, par exemple. Ça veut être commerce. Non. Ça a dit ça. ماذا تريدنا يا أخواتي؟ نعم. Que voulez-vous, ô mes sœurs? سابعا. نحن نريد مصحافا صغيرا. Donc elle dit, nous voulons un petit مصحاف. مصحاف, comme tu sais, c'est le livre qui contient le Coran. الطلاب يريدون دفاتر دفاترهم. نعم. Les étudiants, les élèves veulent leur cahier. تاسعا. المدرسات يريدن. أيوة نعم. المدرسات يريدن الطباشير. Donc il dit, les enseignantes veulent l'écrit. الطباشير, c'est l'écrit. عاشر. المديري. يريد قائمة أسماء الطلاب. قائمة أسماء الطلاب. نعم. الديكتور veut la liste des noms des étudiants. نعم. مفهوم هذا. هذا يريد. رابعا. On laisse le رابعا. On ne fait pas, inshallah. Ça trouve qu'il faut plusieurs frères ou quoi? Truc chakawi, un truc d'expression orale. On met de côté. On passe directement au cinquième. Maintenant, il va faire quoi? Il va te montrer le mu'annas, taïeb, des couleurs. Comment on prend le féminin des couleurs? Et ça vient à la voix. Fa'la'u. Taïeb, fa'la'u. Akala. Le masculin vient à la wazm af'al comme aswad مثلا aswad مثلا tu veux dire noir il est à quel wazm à la wazm af'al sur la mesure af'al le hamza c'est le hamza le sin c'est le fa le waw c'est le ayn Et le del, c'est le len. Vous voyez, il est sur la mesure afael. Ça, c'est le masculin. Maintenant, le féminin. Aswad, son féminin, c'est Sauda. Avec Alif Mabouda. Sauda ou. Vous voyez, Alawaz. Fa'la ou. Sur la mesure Fa'la. Le fait, c'est le signe. Le aïn, c'est le waou. Le lem, c'est le del. Le alif, c'est le même alif. Et le hamza, c'est le hamza. C'est pareil. Donc, tous les féminins des couleurs viennent sur la mesure fa'la. Donc, il a dit d'or, fil foror, fil mayali. مؤنس الأسماء الدالات على الألوان كما هو موضح في الأمثلة. Donc il dit mais dans les places libres, voyez le mot féminin des mots définissant les couleurs comme cela est éclairci dans les exemples. مثلا il dit قلم أحمر stylo rouge.

أختي غسلت غسلت أختي القميص الأخضر القميص القميص الأخضر وقميصا آخر. نعم. Donc il dit ma sœur elle avait le camis vert et un autre camis. مفهوم آخر وأخرى. ثاني عشر تأمل المثال ثم أكمل الجمل الآتية بوضع ذو أو ذا في الفراغ. Donc maintenant on va revenir comme on avait dit ذو من الأسماء الخمسة أو ستة. C'est-à-dire fait partie des cinq noms ou peut dire aussi les six noms. Leur particularité, on a dit, c'est lorsque dans le raf, le signe du raf c'est quoi? Waouh. Comme Abu, tu dis, quoi? Abouka, Abouha, Abouhum. Ou l'Akh, كذلك. Akhouha, Akhouka, Akhouhum. Et Zou, il rentre parmi la même catégorie de noms. Tu dis Zou Malin, Zou l'Ilm, Zou Kaza ou Zou Kaza. Celui qui a de la science, celui qui a de l'argent. Et quand ils sont Mansouba, dans le Nasb, leur signe c'est quoi? Al-Alif. Tu dis Ra'aitu Abaka. Ra'aitu Akhaka. Quand même, Fazal est pareil. Tu vas dire Sahibtu Za'ilmin. J'ai fréquenté une personne de science. Personne qui a de la science. Regarde, il dit Indi Daftarun Zubarakin Musattarin. J'ai un cahier avec des feuilles, avec des lignes. هذا مصحف ذو حرف كبير. Ce مصحف a des grandes lettres. Ça, c'est quoi, c'est les mafours. ذو, ذو. Et maintenant, je vais te mettre منصوب. اشتريت دفترا ذا ورق مسطر. Donc, j'ai acheté un cahier, voyez, qui a des feuilles avec des lignes. اريد مصحفا ذا حرف كبير. Je veux un مصحف qui a des grandes lettres. طيب, là, اشتريت دفترا ذا ورق مسطر. أين المفعول به؟ Il n'y a pas de piège. Daftaran. Et ça, pourquoi le mansoub, c'est pas l'enfant de lui. C'est un badel. Vous voyez? Ou un sifa plutôt. Et sifa là. Après, nam. Nat. Sifa nat. Donc, on avait dit quoi, Nart, il prend la même mirlob que le manout. Voyez. Et pareillement dans Ouridou Moshafen, Za Harfin Kabirin. Donc là, Za, il est quoi? Nart de Moshaf, qui lui-même m'a produit. Maintenant, il faut qu'il mette dans les trous Zou, Au, Za. Je vous mets où là? غلافين غلافين جميلين. نعم. ديجا كايي كي ان بيل كوفرتور. ثانيا اريد دفترا ذا غلاف اخضر. نعم. دي جو فو ان كايي كي ان كوفرتور فيرت. ثالثا رايت مع المدير رجل لا رجلا نعم ذا لحيتين بيضاء. Il dit, j'ai vu avec le directeur un homme ayant une barbe blanche. Rabian. Alors, Aina talibu jadidu dun nadarati jamilati. Il dit, où est le nouvel élève qui a de belles lunettes? Khamisan. Man hadha ar-rajulu dhu sha'ri tawili. Il dit, qui est cet homme qui a de longs cheveux? شعب تشوفه. سادسا اسأل ذاك الرجل ذا القميص لا ذا القميص لا. C'est quoi qui vient après vous?

Wanasitu, on avait dit c'est quoi nasiya, ça veut dire quoi nasiya? Oublié. Nasitu, c'est moi. Ana, nasitu. Anta nasita, huwa nasiya, anti nasiti, ça c'est sûr. Sadis, قال الله في سورة الصف لما تقولون ما لا تفعلون. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Vous voyez, là où c'est le ma, lima, c'est pourquoi. Takouloun, vous dites ma ce que. La tafaloun, vous ne faites pas. Sabi'an, wa qala ta'ala fi surat al-kafiroun. T'as vu, il n'a pas dit le kafirin. Comme je te dis, tu te rappelles au début? Là, il cite la surat comme elle est venue dans le Coran. Qul ya ayyuha al-kafiroun, la a'budu ma ta'budoun. Oh vous, les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez. Vous voyez, là, le ma, là, abudu ma ta'budoun, elle l'a dit ta'budoun. C'est un même au sourat. Thaminan, quand on ta'ala fi surat al-Imran, sanaktubu ma qalu. Nous allons écrire ce qu'ils disent, ou ce qu'ils ont dit. Là, le ma, là, c'est ismoful. Vous voyez? Donc, attention au ma. Quand il y en a plusieurs. D'ailleurs, ce qui a assisté maintenant, là. Il dit Rabi Achar, ta'amel mayali. Awolen, ma el nafiya. Un exemple de ma el nafiya pour une négation. Tu dis, ma indi kitabun. Là, je n'ai pas de livre. Est-ce qu'elle peut être moussoula? Ma indi kitabun, je n'ai pas de livre. Donc là, c'est une nafiya, c'est une négation. Ensuite, tu dis ma fahimtu adarsa. Je n'ai pas compris le cours. Donc là, le ma, c'est une nafia. Ma adri. Là, c'est ma nafia, je ne sais pas. Et tu peux dire ma adri également, la adri. C'est quoi la différence entre ma adri et la adri? C'est que si tu dis la adri. Allez, voir, on a les prix. C'est de manière habituelle. Non, et ma adri. Et Ali, je ne sais pas cette question. Quoi, ce point-là, non. Non, Marcin. Donc là, trois exemples avec ma l'inafia, la négation. Ensuite, ma l'istifhamia. C'est la ma qui est pour questionner sur ghayr al-aql, une chose qui n'a pas de raison. Tandis qu'on a pris au début du kitab awwal. Ma hadha. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? Ma smuka. Quel est ton nom? Ma hadha taktoub. Qu'écris-tu? Vous voyez, ces trois ma, voilà. C'est des ma'istifhamia. Ism istifham, pour une question. Ensuite, al-ma al-mawsoula. C'est ce qu'on a pris aujourd'hui. A'akul ma ta'akul. Je mange ce que tu manges. Sa'ashtari ma turid. Je vais acheter ce que tu veux. Lima ta'kuluna ma la taf'aloun. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Et si tu te rappelles bien, on a pris un autre ma. Dans le ders précédent. Tu te rappelles? El Tafkour? Il est passé dans le ders précédent. Interdit. Là, ça c'est là. Et tu avais l'exercice pour aujourd'hui sur ce thème. Il y avait ma dedans. Il y avait ma dedans. Et aucune des mains qu'on vient de citer. Ta'adjoub. Bah, Ajmal al-Sayyara. Il y a un ma aussi au début. Ma ta'adjoubiya s'appelle. Vous voyez? Ma ta'adjoubiya. Et tu as d'autres mains encore qui vont venir. Des mains, il y en a plein. Et si avec l'habitude et que le temps, tu arriveras à 6000 entrées. D'ailleurs, il y a un kitab très intéressant sur ce point-là, sur toutes les huruf, le sens des lettres, des particules du mot comme ils traduisent, huruf, s'appelle Al-Mourni, Al-Lafif, de Ibn Hisham. Toutes les lettres y sont situées, il explique qu'est-ce qu'elles veulent dire, c'est quoi leur sens et les différences qu'il y a entre elles. Et des exemples du Coran, de la Sunna et de la parole des Arabes de par avant. J'ai un kitab très moufide. En deux volumes normalement. Fa mafoum, elle fort entre ma al-istifhamiya, wa mawsoula, wa al-nafiya. Et on ajoute la ta'ajoubiya, celle qu'on a pris. Hamis Hachar.